Label Rock. Deux heures de son pas comme les autres. Pop Rock, Electro, Reggae, World. Toute l'actualité des labels indés, tout de suite dans Label Rock. Bonjour et bienvenue dans Label Rock, l'émission podcast disponible chaque semaine avec deux heures de son pas comme les autres. Sébastien Gasse aux commandes avec au menu ce soir du live session de rattrapage côté des Mardis du Grand Marais. C'était le mardi 2 novembre dernier où l'équipe du service culturel de Riorges accueillait un projet lyonnais du nom de Dorandem. Trois titres en live un petit peu plus tard dans ce programme, mais aussi beaucoup de nouveautés ainsi que quelques classiques. Voilà, on va commencer cette émission avec un jeune producteur londonien du nom de Joy Orbison. Joy en anglais et joie évidemment en français, et Orbison en hommage bien sûr à monsieur Roy Orbison. Premier single sorti l'an dernier, premier coup de maître pour ce jeune producteur de dubstep de 22 ans. Depuis, il ne cesse de nous surprendre par ses productions. Je crois qu'il en est à 3 singles. En tout cas, un artiste vraiment à découvrir et que vous pourrez d'ailleurs découvrir en live si vous êtes le 12 novembre du côté de la plateforme à Lyon. Il sera aussi le 13 au Bikini de Toulouse et une date supplémentaire du côté de Paris, ça sera le 4 décembre à la Bellevilloise. Voilà, on commence donc ce programme avec Joy Orbison, tout premier disque sorti, ça s'appelle If M Go. I do. tout premier single pour Joy Orbison, sorti l'an dernier. Je vous le disais, depuis il a éclaté. Moi, en tout cas, j'adore ce son dubstep qui n'est pas sombre, hein, comme les Anglais ont l'habitude de faire, mais au contraire, qui nous rappelle un petit peu le côté baléarique, voilà, de la house music du côté de l'Angleterre. Joy Orbison, donc, qui sera en concert à Lyon le 12 novembre à la plateforme, le 13, donc le lendemain, à Toulouse au Bikini, et séance de rattrapage pour tous ceux qui sont du côté de Paris le 4 décembre, puisqu'il jouera à la Bellevilloise. On va rester dans ce côté électro pour commencer cette émission Label Rock avec un extrait du dernier maxi pour le duo parisien Zombie Zombie. Je vous rappelle, c'est Étienne Jaumet et Cosmic Neyman du groupe Herman Dune. Ils ont sorti un maxi dédié en hommage, on va dire, au créateur John Carpenter, hein, le réalisateur musicien. 5 titres en tout sur ce maxi, c'est disponible chez Versatile et c'est produit par Joachim en compagnie de Turzi. Un extrait tout de suite dans Label Rock, ça s'appelle Zombie Zombie Halloween. Label Rock. l'hommage du duo parisien Zombie Zombie à un de leurs réalisateurs et musiciens préférés. Je sais qu'il est aussi le préféré de pas mal d'artistes dans la sphère de la musique électronique. Voilà, John Carpenter. Zombie Zombie, donc, c'est un maxi 5 titres disponible depuis quelques semaines sur le label parisien qui s'appelle Versatile. On reste dans l'électro avec des nouvelles de la fameuse bande-son qui rend tout le monde fou en ce moment. Je parle bien entendu du remake de Tron que Disney va nous envoyer en pleine figure. Ça sera le 9 février prochain, le blockbuster qui fait parler de lui, autant pour sa bande son que pour son contenu vidéo qui est pourtant en 3D. Pour avoir vu la bande annonce, ça a l'air d'être vachement chouette. Il faudra donc attendre le 9 février prochain pour voir le film. En attendant, la bande son sera disponible dès le 6 décembre. En voici tout de suite un extrait, et c'est signé par un duo électronique qui a mis la France sur la carte mondiale de la musique. Je veux parler bien sûr des Daft Punk. Pour la suite du partenariat entre les Daft Punk et les studios Disney, la bande son donc de Tron, le retour, il faudra attendre le 6 décembre, et je vous rappelle que le film lui sortira le 9 février prochain. Pas besoin d'attendre pour s'écouter et apprécier l'album des Espagnols de Crystal Fighters. Il est sorti en numérique le 25 octobre. Pour la sortie en CD, il faudra attendre janvier 2011. L'album s'appelle Star of Love. Je vous rappelle que les Espagnols donc de Crystal Fighters sont la nouvelle signature du label Different Recordings, et qui a déjà eu un single qui s'appelle Follow Swallow, accompagné de remix. Nous, c'est la version originale ce soir qui nous intéresse dans Label Rock, les Crystal Fighters, Swallow donc. Swallowing it all down, hole, I'm in my body, so they kinda come and take my soul. Wallowing away my sorrows on nobody, so they kinda come and take my soul. Label Rock. Swallowing it all down, hole, I'm in my body, so they kinda come and take my soul. Wallowing away my sorrows on nobody, so they kinda come and take my soul. If any palaver needs some honesty, or any disaster needs a remedy, some honesty, mistake before. Now it's sinking us to the core. Swallowing it all down whole. I'm in my body so they kinda form and take my soul. Wallowing away my sorrows on the body so they kinda form and take my soul. Swallowing it all down whole. I'm in my body so they kinda form and take my soul. Wallowing away my sorrows on the body so they kinda form and take my soul. Label Rock avec Sébastien Gass. Import section with him. I'm keeping my feet above the mulch of the barton with song. A drink and a four-handed reel as I ramble along. Let's hear it for the brakeman. Without him I'd have to find more words. Écoutez le son de Label Rock et l'ambiance joviale d'un groupe culte indé anglais créé en 1984 et qui continue de sortir des disques et qui tourne encore aussi en concert et que j'adore. Ils s'appellent Halfman Half Biscuit. Si vous ne les connaissez pas, franchement, je vous invite à vous rendre sur le site du label anglais Probe Plus où vous pourrez découvrir tous leurs albums et sachez qu'ils en ont fait un bon paquet. Tyrolean Knackabout, c'est ce qu'on s'est écouté, donc tiré de l'album sorti en 2002 qui s'appelait Camoul, Laird Social Club. Tiens, je suis dans cette humeur un petit peu festive et joviale, je vous le disais. Je vais en profiter pour vous faire peut-être découvrir un groupe américain qui vient d'Austin qui s'appelle les Bad Leavers, puisqu'on parlait de carrière fulgurante pour les Halfman, Half Biscuit et de beaucoup d'albums. Et ben, c'est le cas aussi pour ces Américains, donc de Bad Leavers, puisqu'ils ont sorti pas moins de 8 albums. Premier concert, c'était en 1990 et que eux aussi continuent de tourner jusqu'à ce jour. Les Bad Leavers dans la Bell Rock, c'est tout de suite avec Lust for Life, une reprise d'Iggy Pop, évidemment. Well, here comes Johnny in again with the liquor and the drugs and the blush machine. Well, he's gonna do another strip team. Hey man, where'd you get that lotion? My skin starts itching when I bought the gimmick of something called love. Yeah, love, love, love. Well, that's like hypnotizing chickens. Well, I'm just a modern guy. Of course, I had it in the ear before. I've got a lust for life. I got a lust for life. I got a lust for life. I got a lust for life. I got a uniform, I let a government loan. I'm worth a million in prices, and I'm through with sleeping on a sidewalk. No more beat my brains, no more beat my brains. With the liquor and the drugs, yeah, the liquor and the drugs. Well, I'm just a modern guy. Of course, I had it in the ear before. I've got a lust for life, I got a lust for life. I got a lust for life, I got a lust for life. Les Américains fous géniaux de Bad Leavers avec une reprise d'Iggy Pop, Lust for Life. Ça fait du bien comme ça dans la Bell Rock de passer des trucs un petit peu foufou. Tiens, tout aussi foufou, tout aussi pop foutraque on va dire comme on aime, c'est plus actuel, c'est plus moderne. Ça va sortir fin novembre, le groupe s'appelle Nickel Pressing. Ils sont lyonnais, ils sont trois, Pierrick, Hegel et Yann. Ils se considèrent comme les enfants de Sonic Youth et de Fall, prétendant faire du rock sans guitare. Ils ont rejoint le label Loaf Recording et sorti de leur premier maxi le 22 novembre prochain. C'est une excellente pop très rafraîchissante, franchement j'adore. Ils seront en concert à Rennes le 20 novembre au Mondo Bizarro, le 23 à l'International de Paris, le 3 décembre au Lieu Unique de Nantes. Il y aura une date du côté du 71 à Cluny, ça sera le 12 février 2011 au festival Hiver et Contre Tout. Les Nickel Pressing, donc un extrait de ce maxi, ça s'appelle Beck is Back. Yeah. Yes, les Nickel Pressing, Beck is back dans Label Rock. Et quand je vous parlais juste avant de lancer ce disque de pop footrack, je pense pas vous avoir déçu. Nickel Pressing, donc Beck is back, c'est tiré d'un maxi qui va sortir le 22 novembre prochain sur le label Loaf Recording. Et je vous rappelle que ce trio Nickel Pressing est français, cocorico, même du côté de la région Rhône-Alpes, puisqu'ils sont lyonnais. Beaucoup de voix féminines qui à chaque fois vous font très plaisir, beaucoup de découvertes dans ce programme. Amoureux, je le suis, des voix féminines, vous le savez maintenant si vous êtes fidèle à ce programme. On va s'en faire une petite série de 3 artistes justement. Et on a passé une reprise un petit peu fofolle du Lost for Life d'Iggy Pop. Bah tiens, une autre reprise plus calme ce coup-ci au banjo, au ukulélé pour être précis. Voilà, une américaine qui se fait appeler Amanda Palmer. Et puis on enchaînera avec un autre trio américain qui viennent donc des États-Unis, qui s'appelle Mountain Man, et on finira par la très belle anglaise Martina Topley Bird. Les voix féminines donc à l'honneur dans la Label Rock tout de suite, en commençant par Amanda Palmer. Two jumps in a week, I bet you think that's pretty clever, don't you boy? Flying on your motorcycle, watching all the ground beneath you drop. You'd kill yourself for recognition, kill yourself to never ever stop. You broke another mirror, you're turning into something new. Pieces, you just sit there wishing you could still make love. They're the ones who hate you when you think you've got the world all sussed out. Yet they're the ones who spit at you. You will be the one screaming out. Don't leave me high. Don't leave me dry. Don't leave me high. Don't leave me dry. It's the best thing that you ever had. Best thing that you ever had. It's the best thing that you ever had. The best thing that you ever had. It's gone away. Don't leave me high. Don't leave me dry. Where are you, holy? très belle série de voix féminines dans ce programme Label Rock, avec pour commencer une reprise du groupe Radiohead signée par Amanda Palmer, High and Dry. Vous retrouverez ça sur le mini-album hein, qui s'intitule Amanda Palmer Performs the Popular Hits of Radiohead on a Magical Ukulele. Juste après, les Mountain Man, un trio américain composé de trois filles donc américaines qui ont sorti leur premier album, c'était cet été. L'album s'appelle Made the Harbor, bel album hein, de folk enregistré à la maison et qui devrait ravir tous ceux qui aiment leur musique calme et feutrée. Imaginez un petit peu la voix de Alela Diane avec des harmonies vocales à la Fleet Foxes, mais encore plus épurée. Voilà, excellent album donc de Mountain Man. L'album s'appelle Made the Armor, 13 morceaux sur ce sublime premier album disponible chez Bella Union. Et puis tout aussi frais, intime et captivant, un extrait du dernier album de l'anglaise Martina Topley Bird, Lying, ça c'est le titre qu'on s'est écouté. L'album lui s'appelle Some Place Simple, premier album sur le label de Damon Albarn qui l'a signé, le leader de Blur. Le label s'appelle Honest Jones, l'artiste donc Martina Topley Bird, et l'album lui s'appelle Some Place Simple. Des bonnes nouvelles hein, si vous voulez applaudir Martina en concert. Elle sera le 9 décembre du côté de Genève à l'usine. Deux jours plus tard, le 11 décembre, elle viendra au Fil de Saint-Étienne. Le 13, elle sera du côté de Clermont-Ferrand à la coopérative de Mai. Et enfin, le 15 décembre, du côté du Café de la Danse. Autre voix féminine, elle aussi en concert en France. Elle est anglaise, mais elle réside en Amérique. Et elle est actuellement donc en Europe pour une tournée. Elle s'appelle Scout Niblet. No. team flying is my team flying stand supreme Just continue with what you're doing. Just continue with what you're doing. Just Do It, tiré de l'album de Calcination of Scout Niblett. Elle a souvent été comparée hein, à PJ Harvey ou alors Cat Power, notamment dû à l'intensité de sa musique bien souvent intimiste et minimale qui se limite généralement à un chant, hein, simplement accompagné de guitare ou de batterie. 5 albums donc de disponibles pour Scout Niblett. Avec le dernier qui est paru en début d'année 2010. Je vous rappelle, elle sera en concert donc le 12 novembre à l'Aéronef de Lille, le 13 novembre au Trinitaire, c'est à Metz, le 14 novembre à Grenoble au Ciel, le 15 au Rockstar de Montpellier, le 16 novembre à l'épicerie moderne de Fézin, c'est du côté de Lyon, et enfin le 17 novembre, elle sera à Belfort, dans un endroit qui s'appelle La Poudrière. On reste dans les voix féminines dans la Bell Rock, on laisse l'Angleterre, on part du côté de Tucson en Arizona aux États-Unis, une petite ville qu'on connaît bien notamment grâce au Calexico. Quelqu'un justement qui fait partie de l'entourage de Calexico, c'est une artiste du nom de Suzy Hogg. Elle a sorti un album qui s'appelle Tucson Moonshine. On s'en écoute un extrait, ça s'appelle Shed a Tear. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que l'album est disponible depuis quelques semaines, trouvable sur l'internet, sur le site de V68 Recordings. Suzy Hogg, tout de suite dans la Bell Rock pour une belle balade du côté de la country. As though I wasn't there, was a strange love in the air. I swear, so I wouldn't shed a tear by the look in someone's eyes. They could be telling you lies and walk all over you. Walk all over you. No, I wouldn't. once you're sober. And all that you can recall. Shed a Tear, j'adore ce morceau de Suzy Hogg que vous retrouverez sur son album Tucson Moonshine. Je vous rappelle que c'est disponible chez V68 Recordings. Label Rock avec Sébastien Gass. Label Rock. Es bien, es por sentir. Black Dot White Spider, remix signé par Tom Force du groupe Horrors, avec un projet anglais signé Sealand. C'est un maxi, un album aussi de disponible, que je vous ai joué plusieurs fois dans Label Rock, qui s'appelle How to Live. Et puis juste avant, eh ben, c'était une affaire américaine, avec pour commencer The Morning Bender, ce groupe indé californien qui a sorti cet été son deuxième album. L'album s'appelle Big Echo, disponible chez Rough Trade, un distributeur en France évidemment, par Beggar's Banquet. Excellent disque de pop hautement recommandé par votre serviteur. Et puis au milieu, le duo new-yorkais bien la pêche, hein, puis bien tendance aussi en ce moment. Ils viennent de Brooklyn à New York, ils s'appellent Sly Bells. Premier album Treats, sorti le 11 octobre dernier. C'est disponible chez Jive Epic et c'est distribué en France par Sony. Label Rock, ça continue avec une nouveauté sur un label anglais qui s'appelle Acoustic Anarchy. Le projet s'appelle Soft Priest, avec un tout premier album qui sortira le 29 novembre prochain. Et en fait, sous ce nom Soft Priest se cache Charles Bailey, un musicien de Manchester en Angleterre, qui rend ici hommage à la musique électronique et au synthé. Personnellement, moi j'aime beaucoup cet album. Un extrait dans Label Rock, Soft Priest, ça s'appelle Human Barbell Status. Le projet est plutôt rigolo, l'album est franchement excellent. Le projet s'appelle Soft Priest, disponible donc à partir du 29 novembre prochain. L'album s'appelle tout simplement Soft Priest et il sera distribué un petit peu partout dans le monde par le label Acoustic Anarchy. On va dans quelques instants revenir du côté des Mardis du Grand Marais à Riorges pour une session live signée par un projet lyonnais qui s'appelle Dorandem. Juste le temps de se faire une petite parenthèse dub reggae avec disponible depuis le 18 octobre dernier le retour des Easy Star All Stars avec leur hommage au Pink Floyd et notamment l'album Dark Side of the Moon. En fait, hein, c'est une nouvelle version remixée du premier hommage qu'ils avaient fait. Souvenez-vous, c'était en 2003, ça avait cartonné. Du coup, rebelote, hein, ça s'appelle Dubber Side of the Moon avec de nouvelles versions signées soit par des stars du mouvement dub hein, tels que Adrian Sherwood et Mad Professor, mais également de belles trouvailles des nouveaux producteurs actuels. C'est le cas par exemple avec Kalbata, un Israélien, qui propose ici un magnifique remix. Allez, on y va. Easy Star All Stars, Any Color You Like, hommage au Pink Floyd, remix signé Kalbata. Excellent remix signé Kalbata, jeune producteur israélien avec Any Color You Like. C'est sur le projet Dubber Side of the Moon, hommage au Pink Floyd par les Easy Star All Stars. C'est disponible avec dessus pas mal de très bons producteurs. Hein. Dub, un petit peu ce qui se fait de mieux en matière de dub actuel. On va revenir du côté de Riorge maintenant avec une session live dans ce programme Label Rock. Les invités de cette semaine, ce sont les Lyonnais d'Orandem. Alors au micro, il y a Nasri, originaire de Dakar. Il rappe depuis l'adolescence dans des groupes comme Takusan, Rasta Baby et enfin Xalima. À ses côtés, Kostia, l'ex-guitariste de Maite Show, qui est lui le MC et compositeur principal de Dorandem. Autour d'eux, l'ancien hein, DJ Sheriff, compositeur et scratcher. Sans oublier Nico, le batteur du crew, multi-instrumentiste qui enseigne aussi au Conservatoire de Vienne. La session live de Label Rock, donc ce soir, enregistrée, c'était le 2 novembre dernier à Riorge, au Mardi du Grand Marais, avec un sound system à géométrie variable hein, qui rend hommage aux musiques des ghetto black, le raga, le dancehall, le hip-hop et bien évidemment le reggae. Sachez, si vous aimez cette session, qu'il y a un album qui existe disponible chez Jarring Effect. L'album s'appelle African Legacy. African Legacy, c'est justement un des trois titres enregistrés en live. On s'écoute tout de suite donc L, African Legacy et Butcher, signé tout ça par Dorandem. Du live comme si vous y étiez. Hey les gars, est-ce que ça va? Dis bruit. Ouais, j'adore quand le public se réveille, man. Hey! Il paraît que l'enfer nous ment. C'est vrai. L'enfer, c'est ici, c'est actuel. L'enfer nous ment. Safara! See, we're living in you see. Life's so African to LA. Things we're living on the spell, you see. Life's so African to LA. I say we're living in you see. Life's so African to LA. Things we're living on the spell, you see. Life's so African to LA. It's a hard thing to make a living. I don't give a damn about your bling. It's a hard thing, gotta keep on working. I'm so boring. Human beings are slowly dying and chatting about rumors of sound. Them the first guy in this you're on about. When we don't know how to make ends meet. When we cry, cause life full of bullshit. So hard to rent the flats. To afford what you got. We feel helpless sitting next to them Cadillacs. Step up, my man, now. Is back, selling out how it feels. Wake up till in the morning, have nothing for your children to eat. No bread, no milk, no butter, no meat. But we like a mom, we want no more to them. We met him, mom, we understand feeling. I'm a tool the mom, we will do the bottom. A kiss a tool the mom, we may fat in your bottom. A hala tool the mom, we may wet in your bottom. I do not need them all, man, you know. This is more than one. See, we're living in LA, you see. Life's so African to LA. Things we're living on the spell, you see. Life's so African to LA. I see, we're living in LA, you see. Life's so American to LA. Seems you're living on a spell, you see. Life's so American to LA. No bread, no milk, no butter, no meat. No bread, no milk, no butter, no meat. Come on. What do you need them all my nyom? Do not just a more moon. Take mooks above Nayagan. What do you take above to Sue Morgan? Who have mooks a morum? Who fat them mooks a burum? My need them verlem. Zafara mom, sorry mom. What do you need them all my nyom? Kunano, just a more moon. What is this a jump? The whole is a yon. Hola si soy yo, the one is this a yo, puñurero. Si aduna, muri safara. Si aduna, muri safara. You see, life's so American to LA. Seems we're living on a cell, you see. Life's so American to LA. I see we're living in hell, you see. Life's so American to LA. Seems we're living on a cell, you see. Life's so American to LA. Sometimes I feel like a vampire. Wide awake after midnight, I think for hours. Try to escape from the system's barbed wire. Bewildered by this new world order. Some say life in old domain gloom. They're not up and down, they're living golden room. Double dealers talk, bubble that results in the boom. People get silly, just like in a sepulchre. We got nothing but love, we face the iron glove. We got innocence in prison, criminals get absorbed. They think who's gonna kick someone's out. Girls just keep following the terror path. We don't give a grovelling apology. With a voice of anger against them industry. Them gonna kill us all with them chemistry. If they both don't know much about charity. I say we're living in hell, you see. Life's so American to LA. Seems we're living on a cell, you see. Life's so American to LA. I say we're living in hell, you see. Life's so American to LA. Seems we're living on a cell, you see. Life's so American to LA. Allez, allez! Voilà, bon! Allez, Rio! Vous allez chanter avec nous! Hey. On va chanter ensemble! Ouais. Et le refrain, c'est très simple! C'est pas du Wolof, c'est pas du français, c'est rien du tout! On va le faire ensemble, ok? Vous allez m'écouter d'abord! Ah, yao, ah, yao, ah, ah, yao, ah, yao, ah. Et les gars, j'entends rien. Encore, encore, sinon on va pas continuer les gars, encore. Je parie que l'enfant il va le faire mieux que vous. Il va le faire mieux que vous. On y va, encore. C'est très simple. Dédicace à lui, il faut l'aider d'un collègue, ok? Ok! On y va, Koss. Check out the African legacy. Yeah, oh, yeah, yeah, oh. Donna e mara si arabi di un bocco pieno si arabi ma gesto a movie se punta da cagani e si da cabinia guarda sangue vanta gir falunghi dai need con you guarda need con me di un meno trampo si arabi Come on. J'adore ça, c'est ce qu'on appelle la nouvelle colonisation culturelle de l'Afrique. Yeah man, est-ce que ça va? Yes. Oh. Ah ouais. Aïe, ils ont boucha. Me off the burn away the first human of alienation. Get tricky, furious, living a few thoughts so long. We let things get worse in each generation. You will say change that put us in a hell we not belong. Burn away the first human of alienation. Get tricky, furious, living a few thoughts so long. We let things get worse in each generation. You will say change that put us in a hell we not belong. Who gonna understand them richness? These are few who lost. Try to make the sequence. Please, I told you that as they joke. Talking about the people, them do it to rumble. Did you know we police when we start to rumble? Look, here we go. Curse will never arouse. Modernization set a new totalitarianism. Can it not pull out a couple in my million? The place is heavy, their own punishment. Don't need to go to town, we get to be told. Capitalization may have to take the sun. Still leading to good amongst the sun. He's dedicated to a great message and subjection of the sun. The long way up, it's up from them, the nation number one. Turn away the first and man up a nation. Get ready to be real, we've been abused for too long. We let it get worse in a generation. You will get rich, then put us in a hell where not belong. Turn away the first and man up a nation. Get ready to be real, we've been abused for too long. We let it get worse in a generation. You will get rich, then put us in a hell where not belong. The first thing man up alienation. Get ready to be real. We've been abused for too long. We let things get worse in a generation. You always get rich, they put us in a hell we don't belong. You always don't like the truth. Why I be tell you? You always don't like the truth. We have to tell you. And the ex-president George W. Bush, he was a butcher. Taking pleasure burning people in electric chair. Every time a man asking for your favor, he never got no grace. No. Beware of the man. In war, the man caught the beast. 666 on the front. George W. Bush, he be the butcher. The first thing when I buy a nation. Get rid of the furious, we've been abused for too long. We let these get worse in a generation. You will get rich, they put us in a hell we don't belong. Turn away the first thing when I buy a nation. Get rid of the furious, we've been abused for too long. We let these get worse in a generation. You will get rich, they put us in a hell we don't belong. Turn away the first thing when I buy a nation. You not belong. Les gars, Dokhondem vous salue et vous dit une bonne soirée. Chine, man. Merci à vous les gars. Merci à vous, effectivement, public de Riorges, public des mardis du Grand Marais, et merci surtout aux quatre de Dorandem qui nous ont donné la possibilité de vous retransmettre ces quelques extraits en podcast, donc dans l'émission Label Rock. Prochaine session des mardis du Grand Marais, ça sera le mardi 16 novembre avec une jeune rappeuse du nom de Kazé. En attendant, on continue avec, on reste sur cette vibes un petit peu de reggae, ska comme ça. On part du côté de l'Angleterre avec un groupe qui s'appelle Babyhead. Ils ont sorti un album qui s'appelle Heavy Weather, un album enregistré pour l'anecdote dans le studio de Portishead à Bristol, et ils enregistrent donc sur le label Rockers Revolt. Il s'appelle Babyhead, ça s'appelle The Rhythm. We got some music playing in a moment when a DJ gets his records out. How you all feeling, sweaty? I'll flip a yet? Pump it up, friend. Well, yo, you ready for me yet? Pump it up, friend. Well, here I go, here I go, here I go, yo. Dance in the aisles when the prince gets to it. My rhyme was a football, yo, and I went and threw it. Out in the crowd, I knew it was a good throw. How do I know? Because the crowd went, oh! And the spies of the weight, I was kicking it smooth. An individual rhymes, always original, like the Dr. Jekyll man, and this is my high side. I am the driver, and you're on a rap ride. So fellas, yeah, go with me. Yeah. Fellas, yeah. Why don't you tell the girls what y'all wanna do? You wanna ooh, ooh. That's right, going on with the flow. To pump up the volume along with the tempo. And I want everybody here in the house to know I came here tonight to hear the crowd go boom, shake, shake, shake the room. Boom, shake, shake, shake the room. Boom, shake, shake, shake the room. Tick, tick, tick, tick, boom. Yeah. Boom, shake, shake, shake the room. Boom, shake, shake, shake the room. Shake, shake, shake the room. Tick, tick, tick, tick, boom. Bump it up, pump it up, come on now. Bump it up, pump it up, come on now. Bump it up, pump it up, come on now. Bump it up, pump it up, come on now. Bump it up, pump it up, come on now. Bump it up, pump it up, come on now. Bump it up, pump it up, come on now. Bump it up, pump it up, pump. Boom, shake, shake, shake the room. Boom, shake, shake, shake the room. Boom, shake, shake, shake the room. Tick, tick, tick, tick, boom. The boom for fresh, but boom for prince is who I am. So tell my mother that I'll never make a whack jam. But sometimes I get the new lumps and start to stutter. Enough to fumble every rubber for what I utter. But I decide to chill. But it gets worse and worse and worse and worse still. I need the kick crowd to kick into it. They help me calm down and I can get through it. So higher, higher, get your hands to the ceiling. Let you know, no, don't fight the feeling. Mike in the strangle. Décidément du très bon funk et du très bon live, surtout dans cette émission ce soir dans Label Rock. Babyhead pour commencer, The Rhythm, un titre enregistré en live que vous retrouvez sur le premier album des Anglais. L'album s'appelle Heavy Weather, je vous rappelle que c'est disponible sur le label Rockers Revolt. Et puis à l'instant, un trio australien qui avait fait le top de l'année 2009 dans Label Rock. Il s'appelle Art vs Science, ils ont sorti un maxi qui s'appelle Magic Fountain, avec dessus ce titre live qui rend hommage à Jazzy Jeff et Fresh Prince. Boom, shake the room. Art vs Science, donc enregistré en live. Puisqu'on parle de live, il n'y a pas si longtemps que ça, du côté du Zénith à Saint-Etienne, j'ai eu l'occasion, c'était le 4 novembre, voilà, je cherchais la date et je suis en train de regarder sur le calendrier. C'était donc au Zénith de Saint-Etienne, j'ai eu l'occasion d'aller applaudir un Allemand du nom de Patrice. Il est basé à Cologne et il était en pleine tournée française, avec déjà une carrière longue de 6 albums. Dernier album sorti cet été chez Bicos, qui s'appelle One, un album qui m'enthousiasme franchement et j'espère que vous aurez l'occasion de l'écouter cet album. En tout cas, j'étais présent donc du côté du Zénith avec des amis, on s'est franchement éclaté. Excellent concert donc de Patrice du côté de Saint-Etienne. En attendant, et ben on s'en écoute un extrait pour lui rendre hommage, ça s'appelle The Maker, c'est le premier titre justement de cet album One. Patrice, tout en douceur et avec beaucoup de classe, c'est tout de suite dans Label Rock. This is after the concert drum, after dusk has turned to dawn. This is the calm after the storm, it's a brand new morn. This is after you beat your chest, And you talk how you're the baddest and the best. After we put it out to the test, and we kill the rot and leave the rest. This is after the gloves come off, after the puppy show. Fabric and the cloth only will break me, can break me, only will break me. And you're not my maker, only will break me, can break me, only will break me. My pain's consuming me from the inside. The line got crossed so far, it's out of sight, yeah. Delusions rule my mind. Should I just leave it all behind? Or should I give it some more time? It looks so foolish to be trying to keep something alive that's lost its will. So much more I wanna give. Only what make me can break me. Only what make me. And you're not my maker. Label Rock. Toute l'actualité des labels indés, pop, rock, électro, reggae, world. Too many lights, too make gestures that are fake. So I bid this adieu. I feel crazy, and you do too. Oh, this wrecked me well. I've seen a glimpse of mortal hell. Oh, I. A walking after dawn, there's a crack in my facade. You can peer into the weaknesses and the bleakness in me. Oh, I'm damaged, raw, can't you see? Après le calme et la tempête signé par Patrice de Maker sur l'album One chez Because, le calme à nouveau avec un nouvel album pour la magnifique Emily Jane White, l'américaine qu'on avait découvert en 2008 avec son premier album et qui depuis a fait un joli bout de chemin, deuxième album en 2009 et de retour depuis le début du mois de novembre avec un troisième album toujours sur le label Talitress. L'album s'appelle Ode to Sentience, 10 ballades somptueuses qui marque ici un album très intimiste et personnel. Emily Jane White donc dans Label Rock, et Emily qui entame une tournée française ce mois-ci puisqu'elle sera le 12 novembre à la Laiterie de Strasbourg, le 13 novembre à l'école de Saint-Maxent à l'espace Agapit, le 14 elle sera à Paris, le 15 aussi à l'Européen, le 16 une autre date à l'Européen de Paris, puis le 18 novembre à l'Astrolabe de Orléans, le 19 à Toulouse à la Dynamo, le 20 novembre elle sera au Fusion de la Roche-sur-Yon, le 22 à Dijon au Consortium, le 23 novembre à Marseille au Poste à Galène, le Sans Réserve à Périgueux c'est prévu pour le 24 novembre, puis le 25 à Auray au Centre Culturel, et enfin elle terminera du côté de Clermont-Ferrand au Rat Pack, ça sera le 26 novembre, et le 27 novembre, fin de la tournée française donc pour Emily Jane White du côté du Bourneau, c'est à Aubenas. En parlant de concerts, je vous l'annonçais en début d'émission, beaucoup de très bonnes choses ces mois-ci. Mais l'événement sans conteste du mois de décembre, c'est deux concerts d'une des figures essentielles du rock'n'roll garage des années 90. Je parle bien sûr du New-Yorkais John Spencer avec son John Spencer Blues Explosion. Deux concerts en France, à l'Élysée Montmartre de Paris, ça sera le 7 décembre, et au Ninkasikao de Lyon le 8 décembre. D'ailleurs, pas mal d'actualités pour le Blues Explosion puisque c'est la réédition de deux de ses albums les plus marquants avec un paquet d'inédits en face B. Les deux albums en question sont Orange qui date de 1994 et Acme de 1998. Donc John Spencer Blues Explosion en concert en France, je vous rappelle les dates, le 7 décembre à l'Élysée Montmartre et le 8 décembre au Ninkasikao. Et tout de suite dans Label Rock, comme c'est bien fait, John Spencer Blues Explosion, deux titres, Attaque sur la face B, justement un remix inédit de Orange, et juste après et ben le titre Orange. C'est parti donc, John Spencer Blues Explosion dans Label Rock, montez le son. Orange. Label Rock. I see orange. See orange. Smoke on the tea. I see the orange. Star Trek style. Orange. on conteste l'événement de ce mois de décembre. Deux dates de concert pour les légendaires new-yorkais John Spencer and the Blues Explosions. Ils seront à Paris, à l'Élysée Montmartre le 7 décembre et au Ninkasi Kao de Lyon le 8 décembre. Je vous rappelle aussi que dans l'actu pour les Blues Explosions, la réédition de deux des albums les plus marquants avec les albums évidemment en intégralité mais aussi accompagnés de remix ou alors de chutes de studio comme on dit. Orange, l'album date de 1994 et Acme de 1998. C'est quasi la fin de cette émission Label Rock. Je vous ai parlé, si vous étiez fan de reggae dub, de l'excellent nouvel album des Easy Star All Stars, autre album aussi excellent. Et franchement, si votre budget est limité, alors je vous conseille d'acheter celui-ci, Pama International Meet Mad Professor Rewired in Dub, disponible sur le label Rockers Revolt. Franchement, c'est excellent. On avait d'ailleurs adoré le dernier album des Pama International qui se retrouve là entièrement reconstruit par la légende anglaise Mad Professor. Un extrait, ça s'appelle Savior Dub. Et puis juste après, hommage à la dance music avec un anglais qui s'appelle Akabu. Another generation. Label Rock. Thank you. l'excellent titre Another Generation, ça me fait vraiment penser à du Underground Resistance, bel hommage à la techno de Détroit rempli d'âme comme ça. C'est signé par l'anglais Dave Lee qui a enregistré sous différents noms, les plus connus étant Joey Negro et Jakata. En tout cas, il a sorti son premier album le 11 octobre dernier sous le nom d'Akabu, A-K-A-B-U, un album influencé justement par 20 ans de carrière dans la dance music. L'album s'appelle The Future Ain't What It Used To Be et c'est disponible sur le label Z Records. Label Rock, le podcast, c'est terminé pour cette semaine. Je vous souhaite un excellent long week-end et je vous retrouve donc la semaine prochaine pour de nouvelles aventures musicales avec des sons pas comme les autres. C'était Sébastien, c'était Label Rock. Ciao tout le monde, à la semaine prochaine, soyez sages, mais pas trop. Ciao, ciao. Such a mystery to me. goodbye. Goodbye. Label Rock, 2 heures de son pas comme les autres.